Comment le champion cycliste Gino Bartali est devenu un juste parmi les nations? Du 30 juin au 25 juillet 1948, les Français ont suivi avec passion la bataille qui a opposé sur les routes de France Louison Bobet, notre héros national du moment, au champion italien Gino Bartali. Bien que Bobet ait porté le maillot jaune pendant plus d'une semaine, il n'a fini que quatrième de ce tour, remporté haut la main par Bartali. Ce dernier, ayant déjà gagné le Tour de France 10 ans plus tôt, le petit Parisien du 2 août 1938 lui avait alors consacré un long article illustré d'une photo qui commençait ainsi. Qui est Gino? Gino le pieux, Gino le simple, Gino le champion, le roi de la montagne. En lisant cet article, je me suis demandé d'où venait ce surnom de Gino le pieux. J'ai découvert que c'était en 1937, lors de sa première participation au Tour de France, qu'il avait été désigné ainsi par les journalistes. Ce fils de terrassier, né en 1914 dans une petite commune située près de Florence, s'était fait remarquer par une foi chrétienne frisant le mysticisme. Les journalistes racontèrent que les soirs d'étape, il méditait sur la vie de Sainte Catherine de Sienne et les jours de repos, il allait à la messe. En 1938, après avoir remporté son premier Tour de France, il se rendit à la basilique Notre-Dame des Victoires pour y déposer une gerbe au pied de la statue de Sainte Thérèse. Étant donné qu'à cette époque, déjà, le sport était un instrument aux mains des régimes nationalistes, Mussolini chercha à exploiter la gloire de ce champion italien à des fins de propagande. Mais les convictions religieuses de Bartali l'incitèrent à refuser d'être l'ambassadeur du fascisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il répondit favorablement à l'appel de son ami, le cardinal Elia Dalla Costa, qui lui avait demandé de l'aider pour acheminer des faux papiers vers les couvents de la région où étaient cachés des juifs. Prétextant la nécessité de s'entraîner tous les jours, Gino Bartali quittait régulièrement son domicile florentin pour se rendre à Assise, en Ombrie, mais aussi à Gênes et dans les Abruzzes, ce qui représentait des trajets de plus de 350 km aller-retour. En dissimulant de fausses cartes d'identité dans la potence ou la selle de son vélo, Gino Bartali apporta une aide précieuse au réseau de résistance conduit par le rabbin Nathan Cassuto. La grande popularité dont il jouissait dans toute l'Italie lui permettait de franchir les contrôles de police sans éveiller les soupçons. Pourtant, après l'interception d'une lettre que le pape Pie XII lui avait adressée en guise de remerciement, Bartali fut convoqué pour subir un interrogatoire. En novembre 1943, il fut même incarcéré pendant 45 jours. On estime que plusieurs centaines d'Italiens de confession juive furent sauvés grâce à ces actes de résistance. Mais Bartali resta longtemps très silencieux à ce sujet. À la différence des champions d'aujourd'hui, il refusait catégoriquement, en effet, de répondre à des interviews. Décédé le 5 mai 2000, Gino Bartali a été reconnu à titre posthume comme juste parmi les nations en septembre 2013 et son nom figure aujourd'hui au mémorial de Yad Vashem construit à Jérusalem en mémoire des victimes juives de la Shoah.